c'est cool. S'économiser, c'est ce que fait également Hicham, qui pédale toute la journée sur son taxi-vélo. Une petite bouteille d'eau à l'arrière et après ça marche, voilà. Sinon, on ne peut pas pédaler en fait. Mais lui préfère quand il fait chaud, car c'est bon pour les affaires. Parce que les gens, ils prennent beaucoup en fait le vélo. Quand il y a de l'argent, ça va, ça se motive. Heureusement, les nuits sont fraîches, ce qui permet de récupérer de la fatigue de la journée. Reportage d'Arnaud Grange à Lyon pour RTL. Et pour éviter la chaleur, on peut aussi se mettre au frais, tout simplement d'une pierre deux coups, pourquoi pas le supermarché et les fournitures scolaires. Parce que dans deux semaines, c'est la rentrée. Chacun sa technique pour être opérationnel au niveau matériel et s'occuper des listes interminables. Il y a ceux qui repoussent jusqu'au dernier moment, mais les plus prévoyants sont déjà dans les rayons. Clémentine Delarue, vous êtes allée le vérifier dans un supermarché de l'Essonne. Aminata glisse dans son caddie un lot de grands cahiers qui viennent rejoindre des classeurs, deux équerres et une multitude de stylos. Le visage détendu, elle flâne dans le magasin presque désert. Je suis rentrée, j'y vais avec pratiquement personne. Je me suis dit tant mieux, on va faire ça calmement, sereinement. On a le temps de choisir bien nos articles et puis de ne pas se tromper, de ne pas se bousculer entre chaque caddie. Et il en faut du temps pour une liste qui prend plus d'une page, surtout quand on veut faire plaisir. Par exemple, les cahiers roses, les agendas, par exemple ma petite sœur, la Reine des Neiges, si je peux trouver, parce que je sais pas si s'il y en a, des stylos multicolores. Les clients croisés dans le magasin prévoient un budget de 100 euros par enfant. Alors pour dépenser moins, Sophie l'a remarqué, mieux vaut s'y prendre le plus tôt possible. Pour acheter de la colle et à la rentrée, c'est bien moins cher. Et là, on regardait pour le cartable, il n'est pas indispensable, mais les prix en début d'année sont vraiment intéressants. Une fois, on a un cartable qui a lâché en milieu d'année. Et là, par contre, j'avais payé très cher. S'en occuper maintenant, cela lui permet aussi de mettre la rentrée de côté pour profiter pleinement des deux dernières semaine de vacances. Clémentine Delarue dans l'Essonne pour RTL. Les courses, Olivia. Les courses, elles ont lieu à Châteaubriand aujourd'hui. Les pronostics de Bernard Glass, attention, non partant, le 16, Estafina. Alors les pronostics de Bernard Glass, le 9, le 3, le 7, le 10, le 2, le 4, le 14 et le 6. La dernière minute de Bernard, c'est le 3, Smart Whip. Merci Olivia Leray, belle journée à vous. À vous aussi. On va se promener avec Laurent Dutch tout de suite. RTL 9h11. C'est l'été sur RTL. Géant. Ce sont les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à demain seulement, profitez de 50% de remise en bon d'achat sur l'autocuiseur Seb Clipso Essentiel. 9 litres à 85 euros, soit un bon d'achat de 42,50 euros. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable du 18 au 28 août. Produit signalé en magasin dans la limite des stocks. Envie de perdre vos rondeurs? Avec le nouveau Turbo Plus de Comme J'aime, vous allez perdre vos 5 premiers kilos encore plus vite. J'ai fait Comme J'aime avec mon mari. Il a perdu 15 kilos. Et moi, 11 kilos en 3 mois. J'aurais jamais cru perdre si facilement mes kilos en trop. 15 kilos. Testez une semaine sans payer, puis bénéficiez jusqu'à 45% de réduction. En plus, le coaching et la livraison sont gratuits. Appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Au fil des rues avec Laurent Dutch sur RTL. Et on part comme tous les matins en balade dans les rues de Paris pour découvrir ou redécouvrir l'histoire de la capitale au fil des rues. Bonjour Laurent Dutch. Bonjour Jérôme. Ce matin, vous nous emmenez dans la rue des Quatre Fils. Voilà un nom bien mystérieux. Ouais, aujourd'hui, je vous emmène dans l'est de Paris, sur la rive droite, dans le 3e arrondissement, et je vais vous raconter une très vieille légende. Une légende millénaire qui se serait déroulée ici, du temps de Charlemagne. C'est la légende des quatre fils Aymon. Alors, c'est quoi cette histoire? Oui, alors, attention, hein, comme toutes les légendes, il y a plein de versions. Alors, moi, celle que je connais, c'est en gros que Charlemagne avait rassemblé son armée à Paris. Les quatre fils du duc Aymon, qui sont vassaux de Charlemagne, s'y rendent par loyauté et ont quitté leur terre de Lorraine à dos de cheval. Un cheval merveilleux, Bayard, qui les portait tous les quatre. Tous les quatre sur le même cheval? C'est quoi cette bête? Ah, c'est une sacrée bête, hein. Tout le monde la veut, même Charlemagne. Quand ouais. Il l'a vu, il a exigé qu'on lui cède. Mais les quatre fils ont refusé et se sont enfuis de Paris pour retourner dans l'Est. Alors, Charlemagne a fait fermer les murailles de la ville. Mais qu'à cela ne tienne, les quatre fils Aymon avec leur cheval merveilleux ont sauté par-dessus les murailles au niveau de la rue des quatre fils. Alors ça, c'est pour la légende historique. Ouais, mais qui a enfanté une réalité historique. Parce qu'elle est bel et bien réelle, la rue des quatre fils. On l'a appelée comme ça à partir d'une légende. En plus, au-delà d'une légende historique, c'est aussi une légende urbaine. Parce que les limites de Paris au temps de Charlemagne, c'est certainement pas au niveau de la rue des quatre fils. Non, à l'époque de Charlemagne, les remparts de Paris sont encore circonscrits à l'intérieur de l'île de la cité. Et donc c'est à partir de cette erreur, à la fois historique et géographique, qu'on a pu dater cette légende comme ayant été écrite au XIIIe siècle, puisqu'elle prend pour appui les murailles de Paris de l'époque. Ce sont les enceintes du roi Philippe Auguste qui passaient, elles, au niveau de la rue des Quatre Fils. Et voilà donc comment la réalité engendre la fiction. Merci. Exactement. Beaucoup Laurent Dutch. Merci à toi Jérôme. Retrouvez Métronome 2 de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Lafon. Oh, alors là, ça, c'est funk là, pour rejoindre l'équipe de Grand Quiz. Bonjour Bruno Guillon et Caroline Diamant. Bonjour Jérôme. Bonjour Caroline. Ça y est, moi je suis dans le mou. Bonjour. Ouais, vous voulez, non, mais il danse vraiment plus. Vous voulez un drink? Ah, mais oui, nous, non, danse. Il danse vraiment. Ah, ouais. Ah, ben non, mais vous savez, toute l'équipe danse. Dès que vous mettez de la musique comme ça, nous, ouais, ça y est, on est dans le mood, on est dans l'ambiance. On est dans le funk. Il manque une boule à facettes dans ce studio. Ah oui. Bon, comment ça va, les amis? Bah écoutez, ça va. Hein. On est très heureux de vous retrouver et d'entendre ce quiz. Écoutez, on est ravis de le présenter. Je me suis réveillé avec vous comme chaque jour. Je suis en pleine forme. Grâce à vous, je suis un peu en pleine forme. Voilà, je peux le dire. Il y a 5 minutes. Moi, je me réveille le matin à 7h10. Voilà. 7h10, on y pensera demain. 7h11, pas 7h09. 7h10. Oui. Bah, excusez-moi, je me réveille à 7h10. Oui, mais voilà, ça fait un peu peur. Je sais pas, mais faites un compte rond. À 7h10, ça vous fait peur? 7h ou 7h15. Et vous, Caroline? Là, il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes, j'ai réveillé parce que son lit est ici. Elle a un lit de camp qui est posé dans le studio d'RTL. Non, pas du tout. Moi, j'ai mis à 7h pile. Ah, je trouve ça plus cohérent. C'est dommage parce que tout se passait à 6h59 ce matin. On vous racontera. Bon, alors écoutez, vous savez quoi? Demain, 6h59, je serai là. Ça marche. On vous embrasse. Merci. À demain. Bonne journée, bonne émission. À demain. Top, c'est parti. Bernard, dans quelle ville se trouve l'avenue des Champs-Élysées? Marseille. Ouh, je vois qu'on est calé en géographie, Bernard. C'est faux. Le seul véritable moyen de gagner à tous les coups, c'est de commander et faire monter ses pneus sur allopneus.com. Chez allopneus.com, nos 100 véhicules ateliers se déplacent jusqu'à vous. Vos pneus sont montés chez vous, sur votre lieu de travail ou ailleurs. Jusqu'au 23 août seulement, achetez des pneus Goodyear et recevez un bon d'achat jusqu'à 100 euros. Goodyear, conçu pour votre bien-être. Conditions sur allopneus.com. Allopneus.com. Vente et montage de pneus. Leclerc, vous savez que vous achetez moins cher. Y a quelqu'un? Oui, dans la cuisine. Je range les courses. Ah ben dis donc, ça fait des courses. Mais vous achetez tout en double maintenant. Disons qu'en ce moment, chez Leclerc, sur de nombreux produits, 60% de remise immédiate sur le deuxième acheté. Ah ben oui. C'est parce que Leclerc défend votre pouvoir d'achat au quotidien que du 16 au 20 août, sur de nombreux produits, vous bénéficiez de 60% de réduction immédiate sur le deuxième produit acheté. Voir modalité dans les magasins participants. 60% sur le deuxième produit acheté. Mais pourquoi on ne prévient pas, moi? Mais t'écoutes pas la radio? Découvrez Grimbergen Blonde. Ses arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Bonjour tout le monde, bienvenue sur RTL. Mardi, c'est le 16 août, ravi d'être là. Nous étions là également hier, je tiens à le préciser. Pour ceux qui hier nous ont un petit peu boudé parce qu'ils faisaient une grasse matinée rapport au 15 août. Eh bien, nous étions là en direct et nous sommes là ce matin. Ravi de vous accueillir jusqu'à 11h, c'est le grand quiz de l'été. Allez, dès maintenant, vous pouvez appeler le 3210. Vous pouvez envoyer RTL par SMS au 74 900 pour tenter de repartir avec des séjours à Disneyland Paris. Vous partirez en famille, séjour pour 4 personnes. Vous serez logé à l'hôtel Sequoia Lodge. On s'occupe des déjeuners. Vous avez l'accès en illimité aux deux parcs. Ça se gagne ce matin. Et puis il y a également des chèques de 1000 euros qu'on aura plaisir à vous offrir. Oui, je dis on, car elle est là. Bonjour à tous. Caroline Diamant. Ravi d'être avec vous, toujours, encore, always. Enfin, toujours. Vraiment, je suis content d'être là. Ça commence bien. Vous avez vu, et il y a une petite musique d'accueil tous les jours pour Caroline. Si aujourd'hui j'avais dû avoir une musique d'accueil pour moi, j'aurais mis celle-ci. En espadrille, on a l'air d'un con. On a les ampoules, on danse le disco. En espadrille, ça pue les pieds. En espadrille. Merci les nuls. Chaba, Farouja, Lobby, Carrette, oui, car je suis venu en espadrille ce matin. Voilà, et je voulais le préciser. Allez, on commence à jouer maintenant, j'ai très envie. Moi aussi. Très envie d'accueillir Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue sur RTL, ça va très très bien. Vous habitez en Eure-et-Loir, où ça exactement? Alors, c'est une petite commune de Gars, à 20 km de Chartres. D'accord. Céline, que là, faites-vous? Il y a une belle cathédrale. Ben oui, bien sûr, cathédrale de Chartres. Oui. Que faites-vous dans la vie? Gestionnaire de paye. En vacances actuellement, ou c'est fait, ou ça va venir? Non, malheureusement, ils sont finis depuis quinzaine de juillet. D'accord. Au travail. Vous avez bougé un petit peu ou pas? Un petit peu en Bretagne. D'accord. Vous avez eu beau temps? Bah, malheureusement, fin juin, c'était pas terrible. Et enfin, c'est pas grave, ça change d'air quand même, ça fait du bien. Bien sûr, l'air breton, voilà. Ça fait toujours du bien. Oui, exactement. Fan de cinéma et du cinéma de Claude Lelouch en particulier, fan également de Johnny Hallyday qui a souvent tourné avec Claude Lelouch, qui retourne d'ailleurs actuellement aux côtés de Jean Dujardin et Antoine Duléry dans le nouveau film de Claude Lelouch. Un petit peu de Johnny Hallyday. Je te promets le sel au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Déclaration que je pourrais vous faire, Caroline. Céline, c'est Caroline Diamant qui va vous poser des questions pendant une minute. Vous êtes la première candidate de cette matinée. C'est vous qui allez établir le score à battre pour cette première heure. Est-ce que vous êtes prête? J'ai du mal à entendre, c'est portable, on va y aller quand même. Alors écoutez, dans ces cas-là, si vous êtes sur votre téléphone portable, peut-être monter sur une chaise, lever un bras pour faire antenne. Si jamais ça coupe, de toute façon, ça n'est pas de votre faute, c'est que la radio passe sous un tunnel. Est-ce que vous êtes prête, Céline? Allez-y. Top chrono, c'est parti. Dans quelle chanson de Jacques Brel peut-on voir souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux? Je passe. Sous quel nom le célèbre chignon de bébé a-t-il été popularisé? Je passe. Quelle est la femme qui arrive en première position des personnalités préférées des Français? Simone Veil. En mangeant un navet, quelle partie de la plante mangez-vous? Le tubercule. Dans les guignols, à qui est associée la phrase « on m'aurait menti » Je passe. Dans quelle ville se trouve le MoMA, Museum of Modern Art? New York. Quel film de Luc Besson s'est inspiré du plongeur français Jacques Mayol? Le Grand Bleu. Quel nom d'oiseau désigne aussi de jeunes amoureux? Je sais pas. Quel élément chimique est symbolisé par la lettre C? Le calcium. Quel nom porte le coffret dans lequel Harpagon range son argent? La cassette. Cassette. Allez, on vous le prend, même si c'était après le gong. D'accord. Mais parce que vous êtes la première candidate, Céline, et qu'on a envie d'être sympathique. Bon, allez, on revient ensemble, si vous le voulez bien, sur vos différentes réponses. Vous avez passé sur la première question. Dans quelle chanson de Jacques Brel peut-on voir souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux? Un monument de la chanson. Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Et bien, je vous dirai ça dans une semaine et demie, Caroline. Quand vous verrez partir avec Laurent Ruquier, je serai là devant le studio. Ne me quitte pas. Il faut oublier. Ouais, vous allez partir, pourtant, je le sais. C'est la choucroute, le nom de ce célèbre chignon qui a été popularisé par Brigitte Bardot. Au soleil. En mangeant un navet, quelle partie de la plante mangez-vous? Vous avez dit tubercule, c'est bien, j'attendais la racine, mais on vous l'accepte. Dans les guignols qui est associé à la phrase « on m'aurait menti » Richard Virenque. Eh oui, vous avez passé, vous saviez que c'était un cycliste. Tiens, petit extrait. Certaines performances ne peuvent pas être obtenues naturellement. Pourquoi? Moi j'ai des dispositions pour le sport de haut niveau depuis ma naissance. Depuis que la cigogne, elle a déposé son baluchon dans la cheminée de mes parents. Comment? Ben oui, ma naissance, la cigogne, tout ça. Non, Richard, mais c'est pas comme ça que les enfants naissent. Quoi? Ben oui, le papa et la maman font l'amour, et après, c'est une histoire de spermatozoïdes et d'ovules. Quoi? On m'aurait menti, alors? Le MoMA est bel et bien à New York. Bon, il en existe aussi un à San Francisco, mais il s'appelle le SMOMA. Le SMOMA, parce que c'est San Francisco Museum of Modern Art. Jacques Mayol c'est bien entendu le Grand Bleu. Le nom d'oiseau qui désigne aussi de jeunes amoureux, les tourtereaux ? Ah oui. L'élément chimique qui est symbolisé par la lettre C, ce n'est pas le calcium, mais le carbone. Bon, Céline. C'est pas terrible. Non, c'est très bien. Oh là là, c'est très très bien. C'est très bien parce que vous avez géré le stress de la première candidate et en plus vous marquez 5 points, ce qui est pas mal, Céline. Ce qui peut vous permettre de gagner le séjour, ça on le saura à la fin de la première heure. Mais là, tout de suite, je vous l'annonce, vous gagnez une montre RTL. Ah, c'est gentil. En tout cas, j'étais ravie de jouer avec vous deux, parce que je vous aime bien. Donc, eh bien, écoutez, vous savez quoi ? Eh bien, je vous aime aussi. Ouais. Moi aussi. On peut vous le dire, on vous aime. Céline, on vous embrasse. Et bien, moi aussi. Passez une très bonne journée. Merci. Bon, vous voulez tenter de faire mieux que Céline et du coup gagner un séjour à Disneyland Paris, bah vous appelez le 3210 ou vous envoyez RTL au 74 900. Oh, 1993. Pour attaquer cette émission Ace of Base. Cet été, Caroline Diamant comprendra que quand le rouge est allumé dans le studio, c'est que les micros sont allumés. Moi, je ne désespère pas. Vous savez quoi ? Je ne désespère pas, j'y crois. J'y crois et je m'y engage. All That She Wants sur RTL. C'était Ace of Base. Bonne année scolaire avec Carrefour. Dis Franck. que t'as déjà acheté les fournitures de Zoé ? Parce que chez Carrefour, on nous garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque. Bien sûr, pas vrai Zoé. Alors, pour les stylos, c'est des Bic. Voilà, et tes cahiers ? Des Clairefontaine. Tu vois Val, je te l'avais dit, on a tout trouvé pour la rentrée chez Carrefour. Et même des économies. Carrefour garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque et vous rembourse deux fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Modalité sur carrefour.fr. Cahier 96 pages 24 par 32, grand carreau Clairefontaine, Bic Cristal assorti par 5. Carrefour. Au volant, le téléphone, c'est non. Au volant, le téléphone, c'est non. Au volant, le téléphone, c'est non. Cet été, qu'importe le ton, AXA Prévention vous le répétera encore et encore, parce que nous tenons à vous. Passer des appels au volant détourne votre attention de la route. Téléphoner en conduisant multiplie par 3 le risque d'accident. Retrouvez nos conseils sur axaprévention.fr et notre communauté sur Twitter à @axaprévention. Le zéro, ça vient des Grecs, non ? Mais non, le zéro, c'est les Indiens, tout le monde le sait. Non, le zéro, c'est les Arabes ou les Chinois. Les Indiens. Excusez-moi. Bah si, les Chinois. Excusez-moi. Est-ce que je vous écoute à la... En fait, c'est Ford. Ah oui, on en a parlé. En août seulement, découvrez le crédit à 0% sur la gamme Ford et profitez de remises jusqu'à 5 800 €. Crédit auto 0%, 2 000 € d'apport pour 10 000 € empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 €, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit si acceptation du dossier selon stock disponible, voir Ford.fr. Chers parents, à vos agendas. Chez Intermarché, c'est la rentrée la moins chère de France. Ça démarre quand ? C'est maintenant, avec des prix hallucinants sur la papeterie. À vous les bonnes notes en économie. Notez bien, les prix de rentrée les moins chers de France sont déjà chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Du 16 au 28 août, conditions et magasins participants sur intermarché.com. RTL. RTL. Le grand quiz de l'été. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et nous allons jouer tout de suite avec Patrice. Patrice qui va essayer de battre 5 bonnes réponses. Bonjour Patrice. Bonjour Caroline. Bonjour Patrice, bienvenue sur RTL. Bonjour Bruno. Merci. Excusez-moi, je bafouille, mais je sais pas, je suis très heureuse aujourd'hui. Ah, quand vous êtes heureuse, vous bafouillez ? Oui, voilà, je suis contente d'être avec vous, d'être sur RTL, et puis je sais que le grand quiz va s'arrêter la fin de la semaine prochaine, donc voilà. J'en bafouille de joie et de tristesse à la fois. Patrice, vous habitez Saint-Raphaël ? Je suis en villégiature à Saint-Raphaël et j'habite Saint-Étienne. D'accord. Et donc, vous rentrez quand à Saint-Étienne ? Eh bien, écoutez, je suis rentré hier. Ah oui, donc vous nous appelez tout bronzé. Ben voilà, tout mais bronzé, pas tout un peu. Non, je suis habillé. Très bien. Je suis resté. Non, je suis très pudique. Non, je suis habillé, un peu déçu de rentrer, mais bon, je rattaque le travail ce soir, cette nuit, donc voilà. Et oui, le dur métier d'être soignant et des horaires qui vont avec, qui sont pas toujours très très simples à gérer. Exactement. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Exactement. Alors, je vois que vous faites beaucoup de sport et qu'au cinéma, vous avez un film culte. Ouais. C'est American Gigolo. Alors, je sais pas tant si c'était pour le film par lui-même ou pour l'acteur à l'époque, mais j'avoue que c'est un film qui m'a beaucoup plu. Ouais, c'était c'est Richard Gere, je crois, de mémoire. Je confirme, c'était Richard Gere. Moi, j'ai pas oublié. C'était Richard Gere. Bon, c'était à l'époque au même titre que Officier et Gentleman. C'est vrai que ça reste des films. Oui, alors je l'ai revu récemment, le film, justement pour voir comment était l'état dans mon souvenir. Et le film a un peu vieilli. Vraiment, oui, des vrai. Années 80, là, au niveau stylisme. Mais Richard Gere aussi, hein, je vous rassure. Oui. Bon, Patrice. Un peu de jalousie ou d'ironie, Bruno ? Non, pas de jalousie. Les deux. Bon, c'est moi qui vous pose les questions, Patrice. D'accord ? Écoutez, je vous écoute. Le record à battre, c'est celui de Céline. Elle a attaqué l'émission tout à l'heure et elle l'a attaqué avec brio. Elle a donné 5 bonnes réponses. D'accord ? Très bien. Avec 5 bonnes réponses, vous pouvez prétendre au séjour à Disney. Plus de 5 bonnes réponses, vous pouvez plus que prétendre. Si vous enchaînez 10 bonnes réponses d'affilée, vous pouvez en plus avoir un chèque de 1 000 €. D'accord ? D'accord. Ce que je dis souvent, c'est que si vous ne savez pas ou si ça ne revient pas immédiatement, le mieux c'est de passer plutôt que de perdre du temps parce qu'une minute, ça reste très court. D'accord ? Allez, très bien, 60 secondes, hein, vous savez, Bruno. Merci. Exactement. Merci, Caroline, pour cette petite... J'aime me rendre utile, vous savez. C'est ça. Allez, on y va, c'est parti. Allez, je vous écoute. Au cinéma, dans quelle ville se trouvent les parapluies de Jacques Demy en 64 ? Cherbourg. Quel insecte est Zobi dans une chanson des Négresses Vertes ? La mouche. Dans quel pays se trouve le Péloponnèse ? Grèce. Par quelle épreuve débute un triathlon ? La natation. Dans quelle série Gérard Klein a-t-il incarné Victor Novak ? Le prof. Lors d'un mariage, quel est le nombre minimum de témoins requis par époux ? 2. Dans le parc de quel château peut-on visiter le Grand Trianon ? 1, minimum 1. D'accord. Excusez-moi après, j'ai pas compris. Dans le parc de quel château peut-on visiter le Grand Trianon ? Versailles. Qui interprète actuellement James Bond au cinéma ? Craig. Avec la tête de quel animal les hindous représentent-ils le dieu Ganesh ? Un cheval. En 2000, quel écrivain est l'auteur du Concile de Pierre ? Je passe. Quel groupe a interprété le tube Il faut que tu respires en 2003 ? C'est un groupe stéphanois en plus, je passe. Ah bah oui, alors là vous qui êtes stéphanois, là... Mickey 3D. Bah bien sûr. Mickey 3D. Et ça c'est rien de le dire. Juste avant le gong, j'ai de la chance. Non, le... Et dites donc, ce serait pas vous Jean-Michel oui. Mauvaise foi. Non, pas du tout. Non, c'est parce que je rentrais de vacances, je me suis dit peut-être sont-ils conciliants. Non, c'était après le gong. Je suis désolé, bon, mais là, le Mickey 3D, on pourra pas vous l'accepter. Mais attention, et c'est un joli parcours, Patrice, sur lequel nous allons revenir avec Caroline. Merci Bruno. Vous avez raison, cette ville mythique et les parapluies qui vont avec sur cette musique sublime de Michel Legrand. Qui nous a tant fait rêver dans ce film de Jacques Demy. Mon amour, je t'aime. Dans un autre genre, effectivement, Zobby est une mouche. Oui, c'est vrai. Ça va tout autre chiffre. Vous me reconnaissez ? C'est moi ! Zobby ! La mouche ! La mouche ! On l'a calé au bon endroit en tout cas. Exactement. Gérard Klein a incarné le Victor Novak. Alors vous étiez pas loin, vous avez dit le prof, mais c'était pas le prof, c'était l'instit. Bon, l'instit, c'est oui, prof l'instit. Des écoles. Oui, mais la série s'appelait l'instit. Voilà, la série s'appelle l'instit. J'aurais essayé pour vous, Patrice. Mission impossible. Ouais, si vous dites mission compliquée ou difficile à faire, ça marche pas. Vous voyez, c'est le titre du film. Ouais, c'est vrai. C'est le principe. Non, j'explique à Bruno. Excusez-moi. Alors vous avez mis une tête de cheval sur le dieu Ganesh. Vous allez retirer le cheval et le remplacé par une tête d'éléphant. Ah, c'est un éléphant. Enfin, vous faites rien physiquement quand je vous dis vous ne le fabriquez pas vous-même. Et tout ça parce que vous avez enchaîné pas mal de bonnes réponses. En revanche, en 2000, l'écrivain qui est l'auteur du Concile de Pierre, c'est l'un de nos grands auteurs de thriller, Jean-Christophe Granger. Ça vous fait... À votre avis, vous avez combien de bonnes réponses ? Bah écoutez, je souhaiterais en avoir une de plus que la candidate précédente. Et bah vous savez quoi ? Je vous en mets deux. Allez, c'est cadeau, c'est pour moi. Très bien, c'est gentil. 7 bonnes réponses, et cher Patrice, vous êtes en tête, vous prenez la tête aux dames de Céline qui donc ne gardera que sa montre RTL, vous êtes en course pour le séjour à Disneyland Paris, est-ce que vous allez le garder ? Bah, la réponse avant 10h du matin, d'accord cher Patrice ? Très bien, merci. Mais on vous offre bien entendu une montre RTL, on vous embrasse peut-être à tout à l'heure. Et bon courage merci. Pour la reprise du travail ce soir. Merci Caroline. 32-10, vous voulez jouer au grand quiz de l'été sur RTL, ça tombe bien, nous sommes là avec vous et avec des questions. Vous composez ce numéro pour vous inscrire ou bien vous envoyez RTL par SMS au 74-900. RTL autour du monde. Bonjour, c'est Jean-Michel Zeka. Tous les jours de l'été dans RTL autour du monde, nous vous emmenons à la découverte de ce que la France et le monde comptent de plus incroyable. Recettes improbables, animaux inconnus aux coutumes déroutantes, c'est toute une équipe d'experts insolites RTL qui vous promet un été aussi étonnant que fascinant. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange. RTL autour du monde. Aujourd'hui à partir de 15h. Carrefour Market. Mon petit neveu, il est si sage en classe qu'on lui donne plein d'images. Il en colle partout. Ah, ça tombe bien, Michel. Pour la rentrée, chez Carrefour Market, il y a plein de promos. Par exemple, en ce moment, il y a 50% d'économie sur la carte de fidélité sur le lot de deux bâtons de colle U. Côté promo, vous êtes vraiment incollable. Et c'est aussi valable sur de nombreux essentiels de la rentrée. Bravo, je vous donne un bon point. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. 2 x 21 grammes. Modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market.

for the weekend. Coldplay sur RTL. RTL. Le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Oui, le grand quiz de l'été. Venez, approchez. Le grand quiz de l'été, c'est tout l'été sur RTL, entre 9h15 et 11h, avec des avaleurs de sabres, des cracheurs de feu, des jongleurs, des trapézistes, et avec Isabelle, qui nous appelle de Bayon-sur-Gironde. Bonjour Isabelle. Bonjour Bruno. Bonjour Isabelle. Bonjour Caroline. Bienvenue sur RTL. Alors, merci. Vous savez quoi, Isabelle, j'étais en train de faire votre promo hors antenne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Puisque je vois sur votre fiche que vous travaillez, vous avez un camion à pizza. Ouais. Et je disais que bien souvent, les meilleures pizzas, on les trouve dans les camions à pizza. Ah ben c'est super, c'est gentil. Je le dis parce que je le pense. Et c'est vrai, je crois que les meilleures pizzas, je les ai mangées dans des camions à pizza. Alors peut-être parce qu'on les prépare devant nous, je sais pas, mais en tout cas elles ont un goût que j'aime bien. Voilà, c'était Mais c'est super, une bonne promo, super. Mais y a pas de souci. Donc alors du coup Isabelle, je me doute que vous bougez un peu dans la région, vous vous placez chaque jour à des endroits différents. Non, toujours au même endroit. Et à côté de la maison. Et mon mari fait les marchés. Sur Blaye, peut-être que vous connaissez. Mais... Les côtes de Blaye, oui, mais pour des raisons différentes. Ouais, c'est surtout les côtes de Blaye. c'est ça. Isabelle, justement, voilà, vous aimez la gastronomie et plus particulièrement les plats en sauce. Quel genre de plat en sauce? Une bonne blanquette, un bon bourguignon. Bon, je sais bien que c'est pas trop la saison, mais. Non. Voilà, et puis assez convivial. Avec des amis. Isabelle, vous savez quoi? En cette période de Jeux Olympiques, moi je suis prêt à lancer les Olympiades de la blanquette de veau. Et je suis prêt à représenter les couleurs d'RTL. Je suis, et je le dis avec beaucoup de... Mais je suis le roi de la blanquette. C'est vrai que vous me l'avez dit en début d'été. Mais dit que c'était votre spécialité. J'aime beaucoup la blanquette. Alors. Mais avec beaucoup de sauce et beaucoup de pain. C'est ça le problème. Et oui, c'est un petit peu le problème. Et c'est ce qui fait qu'après, en arrivant sur la plage l'été, j'ai cette musique qui me suit. Voilà. Bon, fan de Daniel Balavoine, allez, petit extrait. Isabelle, nous avons eu tout à l'heure Patrice qui a donné 7 bonnes réponses. C'est le minimum qu'il va falloir donner comme bonne réponse, en tout cas aux questions que va vous poser tout de suite Caroline. Ok. Je vous rappelle que vous jouez pour un séjour à Disneyland Paris et que si d'aventure vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous pouvez prétendre un chèque de 1 000 euros. D'accord Isabelle? D'accord. Et bon, on va y aller. Caroline, vous êtes prête? Absolument. Top chrono. Quelle animatrice était surnommée la Grande Duduche? Gilbert, Daniel Gilbert. Qui interprète le rôle de Monsieur Septime dans le film Le Grand Restaurant? De Funès. En cuisine, à base de quels animaux prépare-t-on l'escabèche? Les moules. Comment appelle-t-on les habitants de Metz? Les Messins. Quel jour de la semaine se réunit habituellement le Conseil des ministres? Le mercredi. Quel mot russe désigne un animal préhistorique voisin de l'éléphant? Mammouth. Quel nom désigne une vieille voiture et un petit instrument de musique? Un taco. Quelle invention américaine de 1937 a révolutionné la confection des bas? Le collant. Quelle ville est représentée par l'équipe de football d'Arsenal? Londres. Quelle loi est associée à l'expression œil pour œil, dent pour dent? La loi du talion. Qui est la mère de Laura Smet? Nathalie Baye. Et ça s'arrête là-dessus. Nathalie Baye, mère de Laura Smet, avec Jean-Philippe Smet, Johnny Hallyday, qui d'ailleurs, à l'époque de leur relation, lui avait demandé de poser sa voix sur quelque chose de Tennessee. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie. Cette main tendre et légère. Donc c'est une bonne réponse. Allez, on revient sur vos différentes réponses si vous le voulez bien, Isabelle. J'ai l'impression que ça s'est pas mal passé, moi. La Grande Duduche. Daniel Gilbert. Oui. François Boulogne. Allez, c'est les noms, là, tout ce genre-là. Oui, oui, mais oui. Regardez, il passe tellement vite. Eh oui, pourquoi il passe si vite? Le premier qui est passé, il s'appelle Del Turco. Il est allé très très vite pour manger des spaghettis, là-haut, en fait. Mangiare les spaghettis. Hein. Alors ça, c'est un extrait de Midi Magazine, qu'elle co-présentait avec Jacques Martin. Et c'est Jacques Martin qui lui a donné ce surnom, inspiré par le personnage de bande dessinée de Cabu, la Grande Duduche. Le grand restaurant, génialissime Louis de Funès. Et j'ai en mémoire cette scène, mais extraordinaire, où il est en train d'expliquer une recette et avec l'ombre, il se transforme en Adolf Hitler avec la noix de muscade. Muscatnus. Je m'en fous, par exemple, chef. Je m'en fous, moi, je m'en fous du chef. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va, mon petit Marcel ? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a rien, on a des broutilles. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Monsieur Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil. Dans le mimosa ? Du persil et des oignons. Jamais d'estragon. Autrement, c'est pas bon. Ben, c'est ce que je lui disais. Oh, non, non, non, il disait de l'estragon. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes pas content de mon petit filleul ? Ah, c'est le petit filleul, ça. Hein ? Extraordinaire, le grand restaurant. Vous m'avez dit les moules pour l'escabèche. À base de quels animaux prépare-t-on l'escabèche ? Le poisson à l'escabèche ? Ah oui. Les messins, c'est bon. Le mammouth, oui, c'est bon. C'est un morus, il faut le savoir. Par contre, est-ce que vous pouvez me donner la sonorité musicale que procurerait le taco ? Tof tof. Quel nom désigne une vieille voiture et un petit instrument de musique ? N'est-ce pas le taco ? C'est la guimbarde. Quelle invention américaine de 1937 a révolutionné la confection des bas ? Vous avez dit le collant, et c'était la matière en fait que j'attendais. Il s'agissait du nylon. Eh oui, le nylon. Bon, Isabelle, vous voulez savoir combien de bonnes réponses vous avez cumulées ? Oui. Vous voulez ou pas ? Oui, bien sûr, surtout oui. Bon, eh ben je vais vous le dire. Pas tout de suite. Mais je vais vous le dire. Découvrez Grimbergen Blonde. Ses arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Tu me mets au parfum ? Ah bien senti patron, hein. Parce qu'ici, dès demain, le savon de Provence développé à partir de parfums de grâce est à 99 centimes la pièce de 100 grammes. Moins d'un euro le savon de Provence chez Lidl. Là je le sens pas, tu vois. Ah oui, mais 99 centimes c'est le vrai prix. Et il y a le choix, hein. Olive, cannelle orange, rose, lavande et patchouli. Toi, si t'arrêtes pas de te faire mousser. Vous me passez un savon, je sais. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 9,90€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Wepa ! Alain Afflelou, l'été fou continue jusqu'au 31 août chez Afflelou. Oui. Chin Chin, cet été ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1€ de plus. Oui. Et la troisième paire ? Pour vous ou pour qui vous voulez. C'est fou. C'est fou, c'est Afflelou. Chin Chin, jusqu'au 31 août, c'est deux lunettes de plus pour 1€ de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Vous êtes sur la route des vacances. C'est long, la route des vacances. À l'arrière, les enfants dorment. Du coup, c'est le moment d'en profiter. Les enfants, ça vous dirait qu'on passe chez McDo ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Vous savez qu'à chaque fois qu'on prend un menu et un Happy Meal, McDo nous offre un DVD et sa copie digitale. Ça vous va si c'est moi qui choisis le film ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Offre valable pour l'achat simultané d'un menu best-of ou maxi-best-of ou menu salade ou McFirst et d'un menu Happy Meal. Choix du titre DVD parmi 5 titres selon disponibilité en restaurant. Voir conditions sur mcdonalds.fr. Durée limitée. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Antoine, tu sais comment on dit rentrée des classes en espagnol ? On dit sport 2000. Non mais ça c'est du français. Ah non, la rentrée des classes, elle est universelle. Jusqu'au 28 août chez Sport 2000, le survêtement Adidas Junior est à moins 50%, soit 24,95€. Sport 2000. Ça match. Conditions sur sport2000.fr. RTL. Le grand quiz de l'été. Isabelle a joué avec nous et a brillamment joué il y a quelques secondes en direct sur RTL. Et elle attend de savoir combien de bonnes réponses elle a cumulées. Vous avez une petite idée, Isabelle, ou pas ? Eh bien, je sais pas, au moins un ex aequo, ou peut-être une de plus avec un peu de chance. Eh vous savez quoi ? Une de plus, exactement. Ouais. Vous annihilez les espoirs de Patrice pour le séjour à Disney. Vous êtes en course pour repartir avec le séjour à Disneyland Paris. Vous avez là, dans l'immédiat, Isabelle, une montre RTL. D'accord. Et là, on se dit, bon, bah, ça y est, c'est fait. Oui, oui, ça pourrait. Sauf que, il est 9h53. Et à 9h53, vous avez raison. Nous avons le temps d'accueillir Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour. Alors, fan de pêche pendant les vacances? Tout à fait, pendant les vacances uniquement, oui. Fan de pêche en mer. Et vous en revenez, visiblement? J'en reviens il y a une semaine à peu près, oui. Pêche au gros, donc? Pêche au gros, pêche du bord, pêche en bateau, oui. D'accord, un peu très de bien. Tout, avec les enfants aussi. Oh. C'est pas que vous jetez par-dessus? Non, c'est pas la pâle, enfant. D'accord. Pêcher avec les enfants, c'est une expression qui veut dire que ces enfants l'ont accompagné. D'accord, ok. Très bien, je m'y connais pas très bien en pêche. Je m'y connais pas en pêche, mais je m'y connais un peu en questionnaire, et celui-là va vous être posé par notre ami Bruno Guillon. Immédiatement, vous savez que le challenge est serré. Vous avez 8 bonnes réponses à égaler, ou carrément à battre. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt, Christophe? Un peu stressé, mais je suis prêt, oui. Top chrono, c'est parti. Que mangez-vous si vous dégustez des girolles? Des champignons. De quelle partie du corps le logo « Touche pas à mon pote » a-t-il la forme? D'une main. Dans quelle chanson de Claude François entend-on « Ça s'en va et ça revient »? Je passe. À qui doit-on l'invention du pistolet à barillet en 1835? Je passe. Dans quelle région viticole produit-on le vin Nuit Saint-Georges? En Bourgogne. À qui appartient le postérieur embrassé par les joueurs de pétanque? Je passe. Quel est le prénom du père de Michael Douglas? Kurt Douglas. À qui Alain Bachung demande-t-il d'oser dans une de ses chansons? Joséphine. De quelle ville les Bellifontains et Bellifontaines sont-ils les habitants? Je passe. Pour quelle région d'Amérique latine Florent Pagny a-t-il quitté la France dans les années 90? Sud de l'Argentine, mais je sais plus. Quel canal relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique? Canal de Suez. Sur un échiquier, quelle pièce est la voisine de droite de votre reine? Le cheval. Comment s'appelle le gâteau qu'apporte Monsieur Prescovic dans Le Père Noël est une ordure? Le cloug. Eh oui, c'est cloug. Qu'est-ce que c'est? C'est de la merde? Non, c'est cloug. Allez, on revient sur quelques-unes de vos réponses, cher Christophe. La chanson de Claude François dans laquelle on entend « Ça s'en va et ça revient ». Ça s'en va et ça revient. C'est la chanson populaire. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain. J'arrête de danser, c'est bon. À qui doit-on l'invention du pistolet à barillet? Le cher Samuel Colt. Alors, le cher Samuel Colt, non, il n'est pas cher, mais bon. Et c'était en 1835. Je ne connaissais pas cette expression, visiblement, vous non plus. Le postérieur embrassé par les joueurs de pétanque, donc, s'appelle Fanny. Mais si, quand on est Fanny au bar, on va embrasser le Fanny. Moi, je connaissais l'expression, ouais. Fanny au bar, mais je ne savais pas qu'on embrassait son postérieur. Bah écoutez... Bon, d'ailleurs, on dit rarement le postérieur, on dit le cul de Fanny, on va être très honnête. Hein. D'accord, oui. Mais vous savez, c'est le grand quiz de l'été sur RTL. Nous avons voulu être politiquement corrects, donc nous avons dit le postérieur. Alain Bachung, ose. Ose Joséphine. Les Bellifontains, les Bellifontaines, nous les embrassons, ils habitent à Fontainebleau. La région d'Amérique latine où Florent Pagny est parti est la Patagonie. Patagonie, oui. Ce n'est pas le canal de Suez, mais le canal de Panama qui relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Et sur un échiquier, la pièce qui est voisine de droite de votre reine, ce n'est pas le cheval, mais c'est son mari, le roi. Christophe, avez-vous assez de bonnes réponses? Je ne pense pas. Je serais vous. Suspense. Si j'étais vous. J'attendrai quelques secondes. Le suspense est à son comble. Qui de Christophe ou d'Isabelle va repartir avec le séjour à Disneyland Paris? Réponse dans moins d'une minute. Intersport. Chloé, j'aime pas être habillé comme un pingouin. Paul, enfin, on va à un mariage. Ouais, elle est loin l'époque, on pouvait mettre tous les jours un survêtement. Oh, tu verrais, le nouveau modèle Adidas pour enfants à 24,99€ chez Intersport. Quand tu dis ça, tu me fais plus penser à un enfant qu'à un pingouin. En ce moment, chez Intersport, les survêtements Adidas Garçon Tasto et Fikimana sont à 24,99€ au lieu de 44,99€, soit 44% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions, date et liste des magasins participants sur intersport.fr. Envie de perdre vos rondeurs? Avec le nouveau Turbo Plus de Comme J'aime, vous allez perdre vos 5 premiers kilos encore plus vite. J'ai fait Comme J'aime avec mon mari. Il a perdu 15 kilos. Et moi, 11 kilos en 3 mois. J'aurais jamais cru perdre si facilement mes kilos en trop. 15 kilos. Testez une semaine sans payer, puis bénéficiez jusqu'à 45% de réduction. En plus, le coaching et la livraison sont gratuits. Appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Bonne année scolaire avec Carrefour. Papa, pour la rentrée, il me faut des cahiers grand format. Bah profites-en, jusqu'au 5 septembre, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur les cahiers Infinium Oxford. Oh, ah oui, les Infinium, ils sont top. Avec ça, je sens que je vais cartonner dans toutes les matières. Bah si on avait su, on les aurait achetés plus tôt. Pour une bonne année scolaire avec Carrefour, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits de marque, comme le cahier Infinium Oxford. Cahier agrafé Infinium 24x32, 96 pages, grand carreau. Modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Isabelle a joué avec nous et a cumulé 8 bonnes réponses. Isabelle, vous êtes là? Oui. Est-ce que vous avez écouté la prestation de Christophe? Oui. Et d'après vous, combien de bonnes réponses a Christophe? Je veux dire 5 ou 6. Christophe? Oui. Il fallait à minima 8 bonnes réponses pour tenter de gagner le séjour. 6 réponses ne vous permettent, hélas, que de gagner une montre RTL qui est déjà magnifique, mais ce sera trop juste pour le séjour à Disney. On vous embrasse, Christophe. Bah, merci beaucoup encore, et puis bonne journée. Bon, et puis félicitations à ma concurrente. Eh bah ben oui, merci. Isabelle. Merci. C'est gagné. Oh, félicitations. Merci, séjour à Disneyland Paris. Vous allez découvrir le nouveau spectacle content. Mickey le magicien est chanté avec les héros de la Reine des Neiges pour une fête complètement givrée. C'est pour 4 personnes. Accès illimité à Disneyland Paris Walt Disney Studios. Vous serez logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge et on s'occupe des déjeuners. D'accord, Isabelle? Ah, nickel. Oh, je suis hyper contente. Eh bien, ça s'entend et ça nous fait bien plaisir. On vous embrasse. Merci. Plein de baisers. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Il y a un autre séjour à gagner d'ici 11h du matin. Il est peut-être pour vous, si vous avez la bonne idée, de nous appeler maintenant au 3210. On va rejouer après les infos, car vous écoutez RTL, il est 10h. Les infos avec Arnaud Touche. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour à tous. Et on fait tout de suite un point sur les JO de Rio. RTL, Rio 2016. Il visait la médaille d'or mais n'a eu que l'argent. Renaud Lavillenie termine donc second du podium en saut à la perche. Il n'aura donc pas de deuxième titre olympique. Renaud Lavillenie échoue 2 fois à 6m03 pendant que son adversaire Thiago Braz améliore son record personnel de 10 cm pour effacer cette même barre. Les volleyeurs français ont été éliminés au premier tour des Jeux Olympiques après leur défaite contre le Brésil. 3-1, c'est donc une énorme déception pour les champions d'Europe qui avaient l'espoir de remporter la première médaille olympique du volley français. Déception également pour Pierre Ambroise Boss qui termine 4e du 800 mètres. A noter que Souleymane Sissoko décroche le bronze en boxe. Et voici les chances de médaille française aujourd'hui en athlétisme pour les épreuves du triple saut. La finale se tiendra à 14h50 avec Benjamin Compaoré. Un œil aussi sur le 200 mètres homme pour les séries à 17h39 avec Christophe Lemaître. En boxe, finale des poids légers avec le français Sofiane Oumiak. Ce sera cette nuit à minuit 15. La finale de canoë kayak à 1. Les 200 mètres femmes à 14h47 précisément avec Sarah Guyot. Le saut d'obstacle par équipe en équitation avec la première manche de la finale à partir de 15h. Finale également pour les 10 km hommes pour la natation en eau libre à 14h avec Marc-Antoine Olivier. Et enfin de la natation synchronisée à 19h pour la finale en duo. Dans le reste de l'actualité, Marie-Noëlle Lienemann, candidate à la primaire de gauche, était l'invitée de la matinale de RTL. Son ambition est claire, augmenter le SMIC et réduire le temps de travail, des orientations à gauche qui tranchent avec la politique menée par la majorité socialiste actuelle. Elle souhaite une 6e semaine de congés payés et souhaite ouvrir les négociations sur une semaine de travail à 4 jours. Le burkini sera bientôt interdit au Touquet. C'est en tout cas la volonté du maire Les Républicains qui préfère prendre les devants. Daniel Fasquelle souhaite prendre un arrêté pour qu'il soit publié dans la semaine. Aucun cas n'a été constaté dans le Nord-Pas-de-Calais, mais le maire souhaite le faire à titre préventif. Un arrêté similaire a été pris dimanche par le maire PS de Cisco en Corse après une rixe survenue dans sa commune samedi soir. Le 28 juillet dernier, le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard, avait lui aussi pris cet arrêté interdisant le port du burkini, une tenue de bain utilisée par des femmes musulmanes désireuses de recouvrir leur corps entièrement à l'exception du visage et des mains. À l'international, un homme a été inculpé pour le double meurtre d'un imam et de son assistant en pleine rue. C'est ce qu'annonce la police new-yorkaise aujourd'hui. Oscar Morel, un résident de Brooklyn âgé de 35 ans, a donc été inculpé de meurtre et de possession d'armes. Une cérémonie de prière en mémoire de l'imam et de son assistant s'est tenue hier. Elle a rassemblé plusieurs centaines de personnes à Brooklyn. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Châteaubriant. Voici les pronostics de Bernard Glass. Il faut jouer le 9, le 3, le 7, le 10, le 2, le 4, le 14, le 6 et la dernière minute, le 3, Smart Whip. Attention, il y a une non-partante, le 16, Estafina. La météo pour cet après-midi avec le retour de la pluie, notamment sur la région Auvergne, des nuages également sur les Pyrénées, partout ailleurs du soleil. Les températures seront encore très agréables, comptées de 24 à 33 degrés. RTL, il est 10h passé de 3 minutes. Tout de suite, vous retrouvez le grand quiz de l'été avec Bruno Guillon et Caroline Diamant. Merci Arnaud, on va vous retrouver tout à l'heure dès 11h sur RTL. À tout à l'heure. Bonjour, c'est Mégane. Soutenir les Restos du Cœur, c'est offrir toute l'année une aide alimentaire aux plus démunis. C'est aussi leur proposer des ateliers de cuisine pour partager un moment convivial autour d'une recette à base d'ingrédients simples et dans le respect de l'équilibre alimentaire. Pour faire un don, rendez-vous sur www.restoducœur.org. On compte sur vous. Avec RTL. Géant. Ce sont les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à demain seulement, profitez de 50% de remise en bon d'achat sur l'unité centrale Hewlett-Packard Slimline à 359€, soit un bon d'achat de 179,50€. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable du 18 au 28 août, produit signalé en magasin dans la limite des stocks. Envie de perdre vos rondeurs? Avec le nouveau Turbo Plus de Comme J'aime, vous allez perdre vos 5 premiers kilos encore plus vite. J'ai fait Comme J'aime avec mon mari. Il a perdu 15 kilos. Et moi, 11 kilos en 3 mois. J'aurais jamais cru perdre si facilement mes kilos en trop. 15 kilos. Testez une semaine sans payer, puis bénéficiez jusqu'à 45% de réduction. En plus, le coaching et la livraison sont gratuits. Appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et c'est la deuxième heure du grand quiz de l'été pour ce mardi 16 août. Bienvenue sur RTL, bienvenue sur la première radio de France. Vous avez une nouvelle fois la possibilité de repartir avec un séjour en famille à Disneyland Paris en appelant maintenant le 3210 ou en envoyant RTL par SMS au 74 900. Vous allez pouvoir jouer ici en direct sur RTL à mes côtés et aux côtés de Caroline Diamant. J'adore cette chanson. Je ne peux pas voler, mais je suis ravi d'être sur RTL avec vous, chers auditeurs, jusqu'à 11h. Peut-être nous pourrions envisager de faire un appel mystère avant 11h du matin, Caroline. J'aime bien, moi. J'aime bien, vous avez raison. Est-ce qu'on peut rappeler, et je vais vous laisser le faire d'ailleurs, le principe de l'appel mystère, chère Caroline? Le principe de l'appel mystère, c'est que vous vous êtes inscrit, soit en appelant le 3210, soit en envoyant RTL au 74 900. Jusque-là, tout est normal. Sauf que cette fois-ci, au lieu qu'un standardiste vous contacte et vous demande d'où vous venez, vous habitez, ce que vous faites, eh bien là, nous prenons au hasard votre téléphone et nous nous lançons. Vous êtes là, vous n'êtes pas là, vous avez une minute chrono, vous ne l'avez pas. On n'en sait rien, on vous découvre et vous jouez avec nous et peut-être vous repartez avec un séjour à Disneyland Paris ou alors carrément 1 000€. On va faire ça avant 11h du matin. Pour l'instant, reposons-nous. Respirez les embruns de la Bretagne. 1998. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas. Ah oui, presque 20 ans. Le groupe Mano, quel plaisir de retrouver Mano ce matin sur RTL, la tribu de Dana. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elles puissent nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorges et des d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. Dans la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, oh, tu entends les échos, la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, oh, que Dana, la vallée, oh, oh, o Quelques incantations de druides et de magie. Tout attribut, le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des armes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrêmement plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana. On entendait le son d'une corne, d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et qu'à la tribu de Dana appartenait ses terres? Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana. Qu'est-ce que c'était bien ça, Mano, à l'instant sur RTL. Et alors, je voudrais saluer particulièrement ceux qui travaillent en coulisses sur cette émission, et notamment Amandine, qui s'occupe de la rédaction des questions. Et je voudrais que l'on donne le micro à Amandine l'espace de quelques secondes, puisque Amandine connaît par cœur la tribu de Dana de Mano. Bah, comme beaucoup de monde, non? Alors, petit extrait du premier couplet, allons-y. Mais absolument pas. Mais en cœur avec vous. Oui. Non, moi, je ne chante pas. Hein. Je veux respecter le beau temps qui est sur toute la France aujourd'hui. En tout cas, pour moi, c'est un verre. Merci beaucoup. C'est RTL. RTL. Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. C'est vrai que ça faisait plaisir de réécouter Mano, la tribu de Dana. Ah oui, ça hurlait, ça chantait, ça dansait dans le studio. Très agréable. Mais beaucoup de gens le voient, puisque vous savez que sur RTL.fr, vous avez les images de l'émission. Il y a beaucoup de gens qui écoutent l'émission en la regardant. Eh bien, on vous fait un petit coucou devant les caméras d'RTL. Et nous partons à Orléans accueillir Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Bruno. Bonjour Emmanuel. Bonjour Caroline. Petite musique d'accueil pour Emmanuel. Emmanuel comme un soleil. Emmanuel toujours plus belle. Emmanuel devant les yeux, la vraie merveille. Emmanuel, enseignante en histoire géo, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Donc ben, ça va être, je ne vais pas vous mettre la pression, mais ça va être bientôt la reprise. Eh oui, bientôt. Rentrée prévue pour quand? Toujours un petit peu avant les élèves, en fait. Oui, les profs le 29. 29, oui. D'accord. Vous avez quelle classe? Seconde, première, terminale. D'accord. Donc vous les amenez jusqu'au baccalauréat avec l'histoire géo. Voilà, on essaie. Fan du cinéma des années 60-70, plutôt ciné français ou ciné étranger? Plutôt ciné italien. D'accord. Poxinetita, Philippe Noiret est un de vos acteurs favoris. Tout et vous fait, appréciez ouais. La grande Sophie. Extrait. J'aime beaucoup. Je n'insiste pas, je te connais par cœur. Et j'entends le chant des sirènes. Je dis ça comme ça. Faites pas comme le fan. Emmanuel, vous attaquez cette nouvelle heure, vous êtes la première candidate de cette nouvelle heure, c'est donc vous qui allez établir le record à battre d'ici 11h du matin. C'est Caroline qui va vous poser des questions. Parfait. Un maximum de bonnes réponses, vous connaissez maintenant le principe. 10 bonnes réponses d'affilée, c'est un chèque de 1000 euros qui partira automatiquement chez vous. Et je dois avouer que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas offert 1000 euros. Et ça ferait très plaisir de pouvoir le faire. Et bon, réessayez donc. Emmanuel, j'ai envie que ce soit sur vous. J'ai envie que ça parte chez vous. Est-ce que vous êtes prête, Emmanuel ? Je suis prête. Hein. Top chrono, c'est parti. En France, lors de quel mois de l'année l'automne débute-t-il ? Septembre. Comment se prénomme l'actuelle Miss France ? Je vous fais cadeau du nom de famille. Passe. Quelle heure Sheila a-t-elle chanté en 1966 ? Midi. Dans quel pays se trouve la place Tiananmen ? Chine. Quelle plante potagère compte comme variété le camus de Bretagne ou le violet de Provence ? L'artichaut. Quelle locution latine signifie « par ma faute » ? Mea culpa. Selon l'expression, de quelle couleur est la matière quand on parle de l'intelligence ? Grise. Quelle variété de riz est cultivée dans le Pendjab ? Basmati. À quelle chanteuse et danseuse de music hall associe-t-on la ceinture de banane ? Des cœurs. De quelle couleur sont les cabines téléphoniques en Angleterre ? Rouge. Avec quel type de pâte un pâtissier prépare-t-il ses religieuses ? Oui. En 1994, qui joue l'amant d'Antonio Banderas dans le film Philadelphia ? Tom Hanks. Voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins. C'est-à-dire que rien qu'à entendre dans la musique, je peux pleurer en fait. Il faut que vous sachiez que moi je suis très lacrymal. Je pleure très facilement et ce film m'a bouleversé. Tom Hanks, génialissime, avec Antonio Banderas qui joue son petit ami dans le film Philadelphia. Et cette musique orchestrée par le boss Bruce Springsteen. Bon, Emmanuel ? Oui ? J'ai envie de dire, ça s'est pas trop mal passé. Ouais, c'est toujours plus facile d'écouter les autres. Eh hein. Oui, je sais. Mais enfin, et franchement, vous en êtes bien tiré. On vous avait fait cadeau de Mitenaere. Je ne sais même pas si je le prononce bien, mais c'est son nom de famille. Iris Mitenaere. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. On me fait signe. Ah, je ne sais pas. La seule mise qui compte à mes yeux, c'est Caroline Diamant. De toute façon. Quelle heure Sheila a-t-elle chanté en 1966 ? Vous m'avez dit midi. Non, c'était l'heure de la sortie. Alors après, si elle sort à midi, ça pouvait correspondre. Oui. Sauf qu'on n'a pas, voilà, pas l'heure fixe de la sortie de Sheila. Voilà. Donc dans le détail, vous ne pouvez pas savoir. Bon, alors après, un festival de bonnes réponses. L'artichaut, oui, il y a le camus de Bretagne, le violet de Provence, la Chine, vous aviez bien. Le basmati pour ce riz qui vient du Pendjab. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. Sauf... ce type de pâte qu'utilise le pâtissier pour réaliser des religieuses. Ce n'est pas la pâte feuilletée, mais la pâte à choux. Emmanuel ? Oui ? D'après vous, vous avez combien ? Aucune idée. Dites-moi un chiffre. 7. Vous dites 7 ? C'est plus. Ah ! C'est 8. Eh oui, bon. 8 bonnes réponses. C'est un excellent score. C'est un très, très, très bon score. Et c'est ce score qu'il va falloir désormais égaler ou battre pour tenter de repartir avec le séjour à Disney. C'est-à-dire que là, pour résumer, en fait, ce qu'il se passe, Emmanuel, pour vous, c'est plutôt ambiance détente. Vous allez être chez vous assez tranquille jusqu'à 11h. Pour les auditeurs qui vont arriver sur RTL... ça va être un peu plus stressant. 8 bonnes réponses, c'est un très bon score. On vous offre une montre RTL dans un premier temps, Emmanuel. Merci beaucoup. Et on vous dit peut-être à tout à l'heure pour le séjour avant 11h du matin, d'accord ? Eh bien, alors. On vous embrasse. Au revoir. Bonne fin de matinée, au revoir. 32-10, c'est le grand quiz de l'été. Vous voulez jouer en direct sur RTL ? Ça tombe bien, on vous attend. Vous êtes sur la route des vacances. C'est long, la route des vacances. À l'arrière, les enfants dorment. Du coup, c'est le moment d'en profiter. Les enfants, ça vous dirait qu'on passe chez McDo ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Vous savez qu'à chaque fois qu'on prend un menu et un Happy Meal, McDo nous offre un DVD et sa copie digitale. Ça vous va si c'est moi qui choisis le film ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Offre valable pour l'achat simultané d'un menu best-of ou maxi-best-of ou menu salade ou McFirst et d'un menu Happy Meal. Choix du titre DVD parmi 5 titres selon disponibilité en restaurant. Voir conditions sur mcdonalds.fr. Durée limitée. Carrefour Market. En vacances, on prend le temps de cuisiner entre copains. Ce soir, paella au poulet. Je m'occupe des courses, Michel, jusqu'au 21 août chez Carrefour Market pour une barquette de cuisses et filets de poulet Maître Coq Origine France achetée. La seconde est gratuite. Formidable. Et vous pouvez aussi apporter le dessert. Oui, c'est aussi valable sur de nombreux produits de marque. Mes amis vont vous adorer. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. 980 grammes, blanc, jaune ou paprika. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Le grand quiz de l'été sur RTL. J'ai très envie de faire l'appel mystère. Vous appelez maintenant le 3210 pour jouer avec nous en direct, mais nous pouvons vous appeler. Et nous allons le faire. Nous allons le faire dans moins de 5 minutes, mais pour l'instant, RTL se transforme. Oui, en gigantesque machine à voyager dans le temps. Nous sommes dans les années 80. Non, de Zeus. À Take On Me, 1985. Le chanteur s'appelait Morton, de mémoire. Oui, vous pouvez parler par onomatopée, Caroline, si vous le souhaitez. C'est vrai que c'était quand même aussi l'époque de la nuque cheveux longs. Il n'y a pas eu que des choses sympas dans les années 80 non plus. Take On Me sur RTL. Le grand quiz de l'été. Sur RTL. C'est l'heure de l'appel mystère. Appel mystère, qu'est-ce que c'est ? C'est ce moment où nous devenons standardistes. Ce moment où, avec Caroline, nous choisissons au hasard un numéro de téléphone. Quelqu'un qui s'est inscrit soit par le 3210, soit par SMS. Normalement, vous avez le standard qui vous appelle, qui vous pose des questions, et quelques minutes après, vous vous retrouvez en direct à l'antenne. Et bien là, c'est nous qui allons directement faire standardiste. On appelle au hasard quelque part en France. Ça sonne. Merci, j'avais entendu. Je savais que c'était pas sur le titre de Rihanna, le téléphone. Allô ? Allô ? Allô ? Au troisième. Allô ? Oui, allô, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Éric Montardier. Eh ben bonjour Éric. Je m'appelle Bruno Guillon, je vous présente Caroline Diamant. Bonjour Éric. Bonjour. Et vous êtes en direct sur RTL. Est-ce que vous avez une minute, voire un petit peu plus pour nous, Éric ? Oui, sans problème. Eh ben vous savez quoi, je suis ravi, puisque vous êtes notre auditeur de l'appel mystère. On va tout savoir de vous dans quelques minutes. Ben, vous appelez, vous êtes où déjà ? On vous appelle où ? Je suis à côté de Nuit-Saint-Georges. Très bien. Région vinicole. Exactement. S'il en est, vous faites quoi dans la vie, Eric ? Je suis informaticien. Vacances ou pas vacances ? Non, pas vacances, là. D'accord. Je prends quelques minutes de pause. D'accord. Voilà. Quelques minutes de vacances, vous n'êtes pas... Vous êtes, ça va, vous avez pris combien de vacances cet été ? Je prends quelques minutes. 4 minutes 30. Éric, oui. Il y a des séjours à gagner ce matin, vous le savez, comme chaque jour, si vous êtes fidèle auditeur d'RTL. Dans moins de 3 minutes, c'est Caroline qui va vous poser des questions, d'accord ? D'accord. Et le record à battre, c'est 8 bonnes réponses pour tenter de gagner un séjour à Disneyland Paris. Et là, il faudra plus que 4 minutes pour en profiter en famille, puisque c'est un séjour pour 4 personnes. D'accord, Éric ? Très bien. Le temps d'une petite pause et on joue avec vous. À tout de suite. Merci. Bonjour, c'est Christophe Beaugrand. Retrouvez-moi tout l'été dans RTL Petit Matin, dès 5h, pour un réveil 100% bonne humeur. Des infos, des fous rires, de la musique, l'horoscope et des cadeaux. D'ailleurs, envoyez-moi dès maintenant le mot matin au 64 900 et c'est moi qui vous réveille avec le cadeau réveil tous les matins, juste avant 6h, sur RTL, bien sûr. 5 centimes par SMS, 3 SMS maximum. Bonne année scolaire avec Carrefour. Dis Franck, t'as déjà acheté les fournitures de Zoé ? Parce que chez Carrefour, on nous garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque. Bien sûr, pas vrai Zoé. Alors, pour les stylos ? C'est des Bic. Voilà, et tes cahiers ? Des Clairefontaine. Tu vois Val, je te l'avais dit, on a tout trouvé pour la rentrée chez Carrefour. Et même des économies. Carrefour garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque et vous rembourse deux fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Modalité sur carrefour.fr. Cahier 96 pages 24 par 32, grand carreau Clairefontaine, bicristal assorti par 5. Carrefour. Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur RTL, sur RTL. C'est le moment du mystère. Oui, c'est le moment de l'auditeur mystère. L'auditeur mystère s'appelle Éric. Il est à côté de Nuit-Saint-Georges. Éric, je ne vous ai pas demandé, vous avez une passion particulière dans la vie, peut-être ? Oui, la musique. Ah, vous jouez ? Oui, je fais du cor d'harmonie et je m'occupe de l'harmonie de Nuit-Saint-Georges ainsi que d'un big band. D'accord. Et avec des amis, nous nous occupons d'un festival qui s'appelle Sons d'une nuit d'été qui a lieu toutes les premières semaines de juillet. Mais parlez-nous un peu de ce festival. Eh bien, cette année, c'était la 12e ou 13e édition et on a eu Thomas Dutronc, on a eu Gilbert Montagné, Catherine Nara, Christelle Cholet et Les Innocents. Ah oui, donc c'est voilà. De grosses, grosses têtes d'affiche. Oui, oui, parce que l'année dernière, on a vu Michel Fugain, par exemple. On a vu aussi Liane Folli, Axel Red, Michel Jonas, Maxime Le Forestier dans les années antérieures. Voilà. N'en dites pas plus. Vous avez cité Michel Jonas, c'est mon chanteur totem. Éric. Oui. Le songe d'une nuit d'été va se transformer... Ah pardon, excusez-moi. En matinée d'été avec Caroline Diamant. C'est Caroline qui va vous poser des questions. Oui. Il faut à minima 8 bonnes réponses. D'accord. Attention. J'attends la fin du générique. Voilà. Top chrono, c'est parti. Quel couvert fait la réputation de la ville de La Guiole depuis 1829 ? Le couteau. Qui est l'impresario d'Hélène Segarra ? Passe. Quel genre d'animaux dégustez-vous si vous mangez des ablettes ? Poisson. Dans quelle série télévisée Jennifer Garner incarne-t-elle Sydney Bristow ? Passe. À l'armée, par quelle couleur désigne-t-on une jeune recrue ? Bleu. À quelle chanteuse doit-on les titres Waka Waka et Hips Don't Lie ? Rihanna. Selon l'expression populaire, quelle poudre prend-on pour s'enfuir ? Escampette. Quels objets sont indispensables pour jouer à la crapette ? Les cartes. Combien de faces contient un parallélépipède ? Quatre. Avec quel comédien Terence Hill a-t-il longtemps formé un duo de cinéma? Passe. De quel verbe croisser est-il une forme impérative? Croître. Quel nom portait l'assemblée qui gouverne la France de 1792 à 1795? L'assemblée constituante. On va vérifier tout cela maintenant, Eric. Quel nom portait l'assemblée qui gouvernait la France de 1792 à 1795? C'est la Convention. On revient sur vos réponses. L'Aïeul, c'est bon. La ville de L'Aïeul depuis 1829 et les couteaux L'Aïeul avec la petite abeille. Abeille ou mouche? Enfin bon, l'insecte en tout cas qui est posé sur le couteau. Pas chier avec personne. L'impresario d'Hélène Segarra. Il y a trop de gens qui t'aiment. C'est Orlando, le frère de Dalida. Quel genre d'animaux dégustez-vous si vous mangez des ablettes? Bien sûr, des poissons. En persillade, des petites ablettes. Vous dites bien sûr, j'aurais répondu des oiseaux. Ah, des ablettes? Oui, je trouve que ça fait nom d'oiseau. D'accord, très bien. Dans mon monde. Hein. Oui, dans votre monde à vous. Mais peut-être des fois, venez dans le monde. Il y a beaucoup de gens quand même qui sont dans notre monde à nous. Caroline, puis comme ils écoutent la radio, c'est peut-être mieux. Oui, fait. C'est vrai. Alias, c'est dans cette série télé où Jennifer Garner incarne Sydney Bristow. J'adorais. À quelle chanteuse doit-on les titres Waka Waka et Ibs Don't Lie? Vous m'avez dit Rihanna, mais non, écoutez. Elle n'est pas encore venue à son d'une nuit d'été, c'est pour la nuit Saint-Georges. Voilà. C'était Shakira. On prend la poudre d'escampette. Oui, c'est vrai. On m'avait fait une sale blague quand j'étais petit. On m'avait demandé d'aller chercher de la poudre d'escampette dans une droguerie. Je l'avais très mal vécu. Et la semaine d'après, on m'avait demandé, et je vous jure que c'est vrai, d'aller chercher du fil à retordre. Et j'y suis allé aussi. C'est mignon. Ouais, je peux vous dire que je l'ai très très mal vécu. Combien de faces contient un parallélépipède? Oui, c'est comme ça que ça se dit, Caroline. J'ai rajouté quelque chose quelque part, il me semble. Non, c'est vous qui aviez rajouté. Oui, j'ai. C'est 6 faces et non pas 4, on parle de volume. Bud Spencer est avec Terence Hill dans un duo au cinéma. De quel verbe croisser est-il une forme impérative? Le verbe croître. Bon, cher Eric, auditeur mystère pour aujourd'hui. Auditeur mystère qui repart avec une montre RTL. Ça, c'est fait. On vous l'envoie avec Caroline, d'accord? D'accord. Mais avec 6 bonnes réponses, ce sera trop juste pour le séjour à Disney. Ben, j'ai passé un bon moment quand même, c'est très bien. Et ben vous savez quoi, nous avons passé un bon moment également à vos côtés, on vous embrasse Eric. Merci d'avoir répondu. Merci. À bientôt. Merci. Une montre pour femme, s'il vous plaît. Mais il n'y a aucun problème. Merci. Vous êtes ici chez vous et c'est une montre femme qui va partir à Nuit-Saint-Georges. On vous embrasse. Merci. Vous appelez le 3210 à 10h30. Oui, vous pouvez jouer au grand quiz de l'été. Et comment? Nous vous attendons ici en direct. Le temps d'écouter Igitt. Ça s'appelle Des conséquences. Et c'est tout de suite sur RTL. Une vague se forme dans la mer du Nord. À chaque larme que le vent ignore, pour un sourire sans raison, un nouveau jour se lève à l'horizon. Dans le désert de tes habitudes se cache encore un grain de solitude. À chaque dune qui se déplace, c'est une empreinte qui s'efface. Mais ça tient la distance. Des causes et des conséquences. Des causes et des conséquences. Et sur ce fil, j'avance. Je suis fragile mais je tiens la distance. Des causes et des conséquences. Des causes et des conséquences. Une vague se forme dans la mer du Nord. Dessine son histoire juste au bord. Comme on écrit ses mémoires,

Est-ce que vous vous êtes, êtes réveillé en pleine nuit pour voir la course du Usain Bolt? Bah non, malheureusement. Extraordinaire. Ouais, bah ça, c'est Usain Bolt. Je sais pas si vous avez vu cette image au ralenti. Donc, c'était avant-hier, hein, où il a eu sa troisième médaille olympique, oui, sur le 100 mètres olympique à Rio. La fin de la course, il regarde à gauche et à droite avec le sourire. C'est-à-dire que, oui, les gens qui sont à côté sont exténués. Et lui, on a l'impression que tel Matrix. Ah oui. C'est-à-dire que les autres courent et lui, il est au ralenti, il regarde, limite, il aurait le temps de s'allumer une clope, boire un verre, en attendant de voir ce qui va se passer. C'est tout à fait ça. C'est un truc de dingue. Alexia, vous aimez Claudio Capeo, ne passons, oui, pas à côté du plaisir d'écouter un extrait d'Un homme debout. J'adore. Et c'est également notre cas ici. On aime beaucoup Claudio Capeo qui vient de The Voice, son premier album là qui sort avec RTL. Bon, alors, Alexia, c'est là où les Athéniens s'atteignent. C'est le moment où il va falloir jouer. Oui. On a une belle heure. Emmanuel a attaqué l'heure avec 8 bonnes réponses. Eric, ouais, a enchaîné avec 6 bonnes réponses. On a un beau niveau ce matin. Oui. Il va falloir à minima avoir 8 bonnes réponses également si vous voulez prétendre au séjour à Disney à la fin de cette heure. D'accord ? D'accord. C'est moi-même qui vais vous poser, absolument, les questions. Très bien. Vous ne savez pas vous passer. Et, d'accord, si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, on aura plaisir à vous faire un chèque de 1000 euros. Okay. On y va ? Oui. Top chrono. Quel artisanat consiste à tresser des objets en rotin ou en rosier ? Je passe. De quel pays le Nikkei est le principal indice boursier ? La Thaïlande. Le Japon. Complétez le titre de l'émission de Frédéric Taddeï sur France 2 ce soir ou... Jamais. Qui chante le titre Encore un soir, sorti en 2016? Non, je sais pas. Dans quelle ville a lieu la vente de vin du domaine des hospices? Le Van Boon, là, c'est, je passe. Quel titre de noblesse est associé au nom de Munchausen au cinéma? Le tsar. Dans quel domaine emploie-t-on un signe appelé bémol? Dans quel domaine mettre un bémol en musique? À quelle ville le curé est-il associé dans la nouvelle d'Alphonse Daudet? Les lettres de mon moulin. Dans quel pays l'euro a-t-il remplacé l'escudo en 2002? Portugal. Dans quel jeu télévisé présenté par Jean-Pierre Foucault fallait-il maîtriser son rythme cardiaque? Ah oui, Zone Rouge. Et c'est une bonne réponse. Zone Rouge, diffusée entre 2003... et 2005. Allez, on revient, Alexia, sur vos différentes réponses aux côtés de Caroline Diamant. L'artisanat qui consiste à tresser des objets en rotin ou en rosier s'appelle la vannerie. Ah oui. Voilà. Vous vous êtes bien rattrapé sur le Nikkei, qui est effectivement l'indice boursier du Japon. L'émission de Frédéric Taddeï, bravo. En revanche, vous nous avez oublié notre petite Céline Dion. Pourtant, son titre Encore un soir cartonne. Et sur RTL, vous l'entendez en boucle. Encore un soir, encore une heure, encore une. Ah, vous l'avez dit, pardon. De bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Le titre de noblesse associé au nom de Munchausen au cinéma, il me semble vous avoir entendu dire tsar. Ah oui. Il va falloir redescendre à baron. Ah, c'est le baron, oui, de Munchausen. Dans le film de Terry Gilliam. Sur le boulet de canon. 1988. Vous avez cherché où était le bémol, mais vous avez trouvé dans la musique. Et le curé, on l'associe à la ville de Cucugnan. Ah oui, d'accord. J'avais pas compris la question. Tout le reste est bon. Cher Alexia, ce qui vous emmène à... 7 bonnes réponses. C'est bien. Ce sera insuffisant pour Disney, vous l'avez compris, mais nous vous offrons tout de même une montre RTL, chère Alexia. Eh bien, merci beaucoup. Puis je voulais vous dire aussi que vous étiez très bien avec les serpents dans Fort Boyard. Ah, c'est gentil, merci. Les serpents étaient mieux quand même. Ouais. C'était pas mal, hein, moi je l'aurais pas fait. Ah, petit cri de serpent dans Fort Boyard. Oui. Ouais. Voilà, j'ai une voix très masculine quand je suis au milieu des serpents. Je vous embrasse, Alexia. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Allez, vous allez pouvoir continuer à jouer avec nous ici en direct sur RTL. On a hâte de vous accueillir. Vous appelez le 3210. Vous serez ici en direct avec nous. Vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Là aussi, vous allez nous rejoindre. Le record à battre pour cette heure, c'est 8 à 8 bonnes réponses. Vous pouvez gagner un séjour à Disneyland Paris. On rejoue après ça. Trois enfants à la maison, ça en fait des bouches à nourrir. Avec la carte de fidélité Intermarché, profitez tous les jours de 10% en avantage carte sur tous les produits pâturage, Chabrior, Paquito et Apta. Et ça, nous sommes les seuls à le faire. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Rejoignez notre communauté famille nombreuse sur intermarché.com. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Edelweiss, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss. Fleurs de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss ? Oui, je le veux. Fruits des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse ? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruits des bois et fleurs de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'original blanche, née dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Leclerc. Juliette, sur la liste des fournitures de ton frère, il y a un roller friction ball entrée façable. Tu connais ça ? Tiens, devant toi. Roller friction ball avec trois recharges et le surligneur friction light qui va bien. Et avec 1,10€ sur ticket Leclerc. Oh, j'ai l'impression d'entendre ton père. Ouais, je fais pas mal. C'est parce qu'à la rentrée, Leclerc se bat pour votre budget. Que du 10 août au 3 septembre, le lot composé d'un roller friction ball avec trois recharges et d'un surligneur friction light est à 4,35€ avec en plus 1,10€ sur ticket Leclerc. Vend modalité dans les magasins participants. Maman, bleu, noir, vert ou rouge ? Appelle ton frère. Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur RTL. Sur RTL. Vous écoutez RTL. Eruption 1978. I can't stand the rain. Ça tombe bien aujourd'hui, il fait soleil. I can't stand the rain. Against my window. Bringing back sweet memories. Eruption sur RTL. I can't stand the rain. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Un bel accent anglais. I can't stand the rain. Bon, c'est le grand quiz de l'été sur RTL. Et si on jouait? Eh bien, jouons et jouons avec Amélie, que nous accueillons tout de suite. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour Amélie, bienvenue sur RTL. Ah, je suis trop contente. 10h48. Amélie arrive en direct sur RTL. Amélie appelle de Villefranche-sur-Saône et grâce à la téléphonie mobile, elle se retrouve propulsée dans le studio d'RTL 22 rue Bayard à Paris. Amélie n'a qu'un seul rêve, celui de gagner un séjour à Disneyland Paris. Mais Amélie a conscience du challenge. Il faut qu'elle batte 8 bonnes réponses. Ouais. Pendant ce temps-là à Toronto, Miguel fait ses courses. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, vous faites une très jolie profession. Expliquez-nous ce que vous vendez. Alors, je ne vends pas, je fabrique. Ah ben, c'est encore mieux. Vous fabriquez des bijoux. Voilà. Des bijoux avec des pierres précieuses, des pierres semi-précieuses. La joaillerie, oui, des pierres précieuses. Oh là là, bah écoutez, si vous voulez nous envoyer des échantillons... Ce sera du factice alors. Alors bon, bah envoyez-nous des photos, ce sera déjà ça. Elle aura tout essayé cet été. Elle aura essayé les gâteaux, elle aura essayé les viennoiseries, les bijoux. Et c'est... Alors attendez, je suis très optimiste, je pense qu'à la rentrée... Tout cela va m'attendre au standard de RTL. Il va y avoir un truck devant RTL avec tous mes cadeaux. Vous aimez Clint Eastwood particulièrement? Oui, j'aime beaucoup les westerns et aussi en tant que réalisateur, je trouve que c'est un grand monsieur du cinéma. C'est vrai. Voilà. Et puis, vous avez une chanson que vous aimez particulièrement. Oui, chanson pour ma drôle de vie, Véronique Sanson. Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi. Me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Cela dit, la reprise qui avait été faite par ma copine Géraldine Nakache avec Leila et Becky dans Tout ce qui brille était magnifique. Aussi, hein. Ouais, c'était très sympa. C'était pour faire un petit clin d'œil à mon chéri. Voilà. On fait un clin d'œil à votre chéri, comment s'appelle-t-il? Michael, que l'on embrasse. Bah, Michael qui vous accompagnera, je pense, si jamais vous gagnez le séjour. Ouais, ouais, ouais. Faut encore réussir, ouais. Bah, ça dépend de vous. Voilà. C'est le moment où là, maintenant, c'est vous et vous seul, Amélie, vous face à moi, puisque je vais vous poser les questions. D'accord? Une minute de questions, vous ne savez pas, vous passez, vous savez, mais ça ne vient pas. Plutôt que de bloquer, le mieux, c'est de passer. Puisque des fois, ça arrive, on a la réponse, ça ne vient pas, comme dirait Jean-Claude Duss. À savoir le blocage. Voilà, et bien, il vaut mieux passer pour gagner du temps. Okay. D'accord, Amélie? Oui. Top chrono, c'est parti. Que faut-il ajouter à la bière pour obtenir un panaché? La limonade. Comment appelle-t-on le point le plus haut du soleil dans sa course? Je passe. Quel métal est associé au mot âge pour parler d'une époque prospère? Bronze. Parmi les sept merveilles du monde antique, laquelle est située à Alexandrie? Le phare. En France, quel homme politique a rendu l'école laïque gratuite et obligatoire? Ferry. À quel mot d'origine italienne désigne une inscription ou un dessin sur un mur? Graffiti. Quel animal est Miss Peggy dans le Muppet Show? Un cochon. En 1983, qui joue la fiancée de Coluche dans Banzai? Mérès. Qui interprète Lady d'Arbanville en 1970? Cat Stevens. Quel écrivain a surnommé sa mère Folcoche dans son roman Vipère au poing? Je passe. Dans quel pays se situe la ville de Liège? En Belgique. Et c'est une bonne réponse. On est pas mal, Amélie. Amélie, on revient sur vos réponses avec Caroline Diamant. Alors, c'est le temps idéal pour déguster un panaché. C'est effectivement de la bière avec de la limonade. Moi, je l'aime bien blanc. Ouais, puis le soleil, c'était point culminant. Ouais. Le soleil, le plus haut du soleil dans sa course, c'est le zénith. Ouais, c'est vrai. Alors vous, j'imagine que vous avez entre les mains beaucoup d'or qui vous passe. Ouais, non, mais là je dis n'importe quoi. Oh non, mais vous savez, c'est le stress. Vous avez dit l'âge de bronze, c'était ouais. L'âge d'or. Mais ouais, sinon, vous nous avez enchaîné une kyrielle de bonnes réponses. Le phare d'Alexandrie, l'école obligatoire et gratuite, c'est Jules Ferry. Miss Piggy est une cochonne. Et moi, je propose qu'on écoute cette cochonne. Moi, je vais paraître sur scène devant des milliers de gens. Quelle honte! Ah! Oh, que c'est dur pour une belle cochonne à la fleur de l'âge d'être aussi dédaignée. Une actrice extraordinaire qui doublait la voix de Peggy la cochonne, c'était la regrettée Micheline Dax. Merveilleuse. Merveilleuse Micheline Dax. Actrice et siffleuse. Ouais, c'est vrai. Qui interprète Lady d'Arbanville en 1977? Cat Stevens. My Lady d'Arbanville, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady. L'écrivain qui surnomma sa mère Folcoche dans son roman Vipère au poing, c'est Hervé Bazin. Mais heureusement, la ville de Liège se trouve en Belgique et vous avez donné une bonne réponse. Alors, combien de points d'après vous, cher Emmanuel? Non, c'est pas... Non, Emmanuel. Chère Amélie. Oui, Emmanuel, c'est celle que nous avons eue tout à l'heure. Chère Amélie. Ouais, je disais 7 chutes, je n'ai pas compté, ça va être tellement vite. Que... Puisque justement, c'est Emmanuel qui a le record de l'heure. Elle a 8 bonnes réponses. Amélie, vous avez obtenu 8 bonnes réponses. Cela veut dire que nous avons une égalité. Ça veut dire que nous allons devoir vous départager avec une question subsidiaire que nous allons vous poser hors antenne et nous allons comparer vos réponses dans quelques instants sur RTL. RTL Sport 2000. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Antoine, tu sais comment on dit rentrée des classes en espagnol? On dit Sport 2000. Non mais ça c'est du français. Ah non, la rentrée des classes, elle est universelle. Jusqu'au 28 août chez Sport 2000, les baskets Adidas Junior sont à moins 37%, soit 24,95€. Sport 2000. Ça match. Conditions sur sport2000.fr. Envie de perdre vos rondeurs? Avec le nouveau Turbo Plus de Comme J'aime, vous allez perdre vos 5 premiers kilos encore plus vite. J'ai fait Comme J'aime avec mon mari. Il a perdu 15 kilos. Et moi, 11 kilos en 3 mois. J'aurais jamais cru perdre si facilement mes kilos en trop. 15 kilos. Testez une semaine sans payer, puis bénéficiez jusqu'à 45% de réduction. En plus, le coaching et la livraison sont gratuits. Appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est cuit. Pour Lidl? Mais pour nous, en ce moment, le Morbi au lait cru AOP saveur de nos régions, origine France, est à 2,49€ les 250 grammes. 2,49€ le Morbi AOP au lait cru? Qui l'eût cru? Ah oui, c'est pas tout, hein. 45 jours d'affinage minimum, patron. Non mais jamais vous t'en faites tout un fromage. Ah, désolé, on est mal, je sais, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 9,96€ le kilo, offre valable jusqu'au mardi 23 août. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Le grand quiz de l'été sur RTL. Nous avons une égalité ce matin. Nous avons eu Emmanuel qui a joué en début d'heure. Emmanuel, notre enseignante en histoire-géographie du côté d'Orléans. Rebonjour Emmanuel. Rebonjour Bruno. 8 bonnes réponses pour Emmanuel. On vous pensait à l'abri. C'était sans compter sur Amélie qui a joué il y a quelques minutes. Rebonjour Amélie. Rebonjour, ouais. Alors, avec 8 réponses chacune, il ne peut il y en avoir qu'une. C'est un peu comme dans Highlander, sauf qu'on ne va pas vous demander de vous couper la tête l'une l'autre. On va vous demander de répondre à une question qui attend une réponse chiffrée. Et cette question, Caroline vous la repose en direct. Quelle est la longueur de la plus longue bande dessinée du monde ? Emmanuel. Alors, j'ai dit 100 mètres. Hein. Vous avez dit 100 mètres en antenne. En effet. Okay. Amélie. J'ai dit 150. Alors, il faut savoir que c'est un record français qui a été homologué à Lyon au mois de mai dernier. Cette performance a été réalisée dans le tunnel dédié aux piétons, aux vélos et aux bus sous la colline de la Croix-Rousse. À Lyon, alors. La plus longue bande dessinée du monde. Alors, vous en êtes très loin toutes les deux puisque la bonne réponse, c'était 1625 mètres. Mais la règle veut que la plus proche gagne. Amélie, vous partez à Disney. Oh, bravo Amélie. Désolée Emmanuel. Ah, suis trop contente. Emmanuel, ma belle-fille va être trop contente. Emmanuel, nous vous embrassons. La montre RTL promise arrivera chez vous du côté d'Orléans. Ah, c'est merci super. Beaucoup. Amélie. Oh là là, j'ai essayé de vous joindre tous les jours là depuis le début août. Je suis trop contente. Alors, c'est un séjour pour 4 personnes. Qui part? Alors, il y aura mon conjoint, sa fille, Marine, qui a 6 ans, qui va être trop contente. Et puis, on verra pour une petite copine ou un petit copain. C'est super. On vous sent très ému, ça fait plaisir. Ah ouais, je suis trop contente. Vous allez découvrir le nouveau spectacle Mickey le magicien. Vous allez chanter avec les héros de la neige dans une fête complètement givrée. 2 jours de rêve avec les entrées pour les 2 parcs, Disneyland Paris, Walt Disney Studios. D'accord. Vous serez logé dans le Sequoia Lodge, qui est un des plus beaux hôtels du parc Disney. Et puis, on vous offre les déjeuners, d'accord? Ah là là, c'est super. Vraiment, je suis trop contente. J'écoute RTL depuis que je suis toute petite, tous les étés. Et c'est super. Eh ben, vous savez quoi, ça nous fait bien plaisir. On vous embrasse. Eh ben, merci beaucoup. Plein de baisers à vous, à Mickaël, à Marine. Merci, au revoir. Au revoir. On va revenir demain. Ah bah oui, écoutez, provoquer tant de joie, c'est très très satisfaisant, c'est un grand plaisir pour nous. Alors en parlant de plaisir, je vous invite à rester sur RTL. Pourquoi ? Parce que le plaisir continue et dans quelques minutes... Encore un petit peu. Dans quelques minutes, vous allez tout savoir sur Elvis Presley. Dans La curiosité est un vilain défaut, Sidonie Bonnec et Thomas Hugues vont vous accompagner jusqu'à midi et demi. Et c'est sur un air d'Elvis qu'on va se quitter, Caroline. Oui, il nous a quittés, lui, il y a 40 ans. Mais nous, on reviendra demain. Oh, bah, oui, absolument. Nous serons là demain pour votre plaisir et surtout le nôtre. Allez, 9h15, rendez-vous demain sur RTL. Vous écoutez RTL, il est 11h. Les infos vous sont présentées par Arnaud Touche. Bonjour, bonjour à tous. Renaud Lavillenie ne sera donc pas double champion olympique. Il a échoué hier soir face à un jeune Brésilien déchaîné et un public digne d'un stade de foot. Le Français a même été hué par le stade olympique alors qu'il tentait de reprendre le dessus sur Thiago Braz, passé à 6,03. Renaud Lavillenie décroche donc la médaille d'argent. J'espère juste qu'en 2024, on aura les Jeux à Paris et que je lui rendrai la monnaie de sa pièce, a déclaré le perchiste. La France décroche également une médaille de bronze en boxe avec Souleymane Sissoko. Les volleyeurs français ont été éliminés au premier tour des Jeux Olympiques après leur défaite contre le Brésil 3-1. C'est donc une énorme déception pour les champions d'Europe qui avaient l'espoir de remporter la première médaille olympique du volley français. Déception également pour Pierre-Ambroise Bosse qui termine 4e du 800 mètres. Et voici les chances de médailles françaises aujourd'hui en athlétisme pour les épreuves de triple saut. La finale se tiendra à 14h50 avec Benjamin Compaoré. Un œil aussi sur les 200 mètres hommes pour les séries à 17h39 avec Christophe Lemaitre et Usain Bolt. En boxe finale des poids légers avec le français Sofiane Omiya, ce sera cette nuit à 00h15. La finale du canoë-kayak à 1. Les 200 mètres femmes à 14h47 précisément avec Sarah Guyot. Le saut d'obstacle par équipe en équitation avec la première manche de la finale à partir de 15h. Finale également pour les 10 km hommes pour la natation en eau libre à 14h avec Marc-Antoine Olivier. Et enfin la natation synchronisée, ce sera à 19h pour la finale en duo. Les JO, c'est bien entendu à suivre toute l'après-midi et toute la soirée en fil rouge sur RTL. Dans le reste de l'actualité, demain, François Hollande sera à Rome. Il sera reçu par le pape François à l'occasion d'une audience privée au Vatican. Le chef de l'État s'entretiendra avec le souverain pontife, notamment autour des questions suite à l'assassinat du prêtre à Saint-Étienne du Rouvray. En Seine-Maritime, François Hollande sera accompagné du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. C'est la seconde visite.